Le mercredi 19 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Après 25 ans de service, près de 25 ans de service, John Porter quitte la fondation du Musée national des beaux-arts. L'historien et muséologue quitte avec le sentiment du devoir accompli, avec notamment le succès monstre du nouveau pavillon La Sonde, projet sur lequel il travaillait depuis 2008. John Porter était à la tête du conseil d'administration de la fondation du musée ces 8 dernières années. Sous son mandat, il a récolté 25 millions de dollars pour la construction du nouveau pavillon. Monsieur Porter avait auparavant dirigé l'institution pendant 15 années. Il affirme qu'il souhaite se consacrer désormais à de nouveaux défis à la fois personnels et professionnels. Un rassemblement aura lieu ce soir à 19h à l'Université Laval en soutien aux victimes d'intrusions et d'agressions. Plus de 400 personnes ont jusqu'à présent confirmé leur présence sur Facebook. Le rassemblement porte le nom de 108 C'est non, le slogan qui était celui d'une campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexuel dans les universités québécoises. Entre-temps, la police de Québec a installé un poste de commandement sur le campus afin de recueillir des informations sur le ou les suspects. Les autorités ont révélé que le nombre de plaintes était passé à 15 sans donner plus de détails sur la nature de ces plaintes. Politique fédérale maintenant, le premier ministre Justin Trudeau essuie les critiques de l'opposition un an jour pour jour après son élection à la tête du gouvernement canadien. Dans une entrevue au journal Le Devoir, Justin Trudeau laisse entendre qu'il pourrait renoncer à réformer le mode de scrutin. C'était pourtant l'une de ses promesses lors des élections de novembre 2015. Le premier ministre avance que les Canadiens avaient un fort appétit pour une telle mesure sous les conservateurs de Stephen Harper, mais que cette motivation pour voir le mode de scrutin réformé était moindre désormais, considérant le taux de satisfaction record à l'endroit de son parti. Enfin, l'automobiliste qui a happé mortellement Marie-Pierre Gagné en août dernier conduisait contre l'avis de son médecin. Selon le journal Le Soleil, l'automobiliste souffrait bel et bien d'épilepsie. Il aurait été impliqué dans plusieurs accidents de la route dans le passé et le jour du drame, son médecin venait de lui conseiller de ne pas conduire. Un proche du conducteur affirme également au Soleil qu'il était inquiet de le voir prendre le volant en raison de sa condition de santé. Il faut rappeler que l'homme a été rencontré une deuxième fois par les enquêteurs dans les derniers jours. Il est aussi désormais transféré au procureur de la Couronne qui devra lui déterminer si des accusations seront portées contre l'homme. Météo. 13 degrés et des nuages, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui, cet après-midi, à Québec. Et le scénario est pas mal similaire demain jeudi. Ennuagement et un maximum de 13 demain jeudi. Retour de la pluie vendredi avec 17 degrés. De la pluie également samedi et dimanche avec respectivement des maximums de 17 et de 11 degrés.